بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. On était en train d'expliquer la fois dernière la définition de la prière, la définition de la prière. Et l'auteur nous avait dit dans la définition de la prière, la définition linguistique, dans la langue arabe, la prière c'est ad-du'a. Bimarna ad-du'a. As-salatu fi al-lugha ad-du'a. Wa fi shara. Et dans la religion, il a donné un autre sens. Il a donné comme définition ibadatun zat aqwalin wa af'al. C'est une adoration zat aqwal wa af'al qui comprend des paroles et des actes makhsousa particuliers muftatahatun bit takbir qui commence avec le takbir wa muhtatamatun bit taslim et qui termine avec le taslim. Bien sûr, cette définition là, c'est une définition qui a été donnée par des savants. En l'occurrence, l'auteur. Par contre, dans d'autres livres, vous pouvez trouver d'autres définitions concernant la prière. Vous allez trouver dans d'autres livres d'autres définitions concernant la prière. Là, en tout cas, c'est une définition célèbre que donne l'auteur ici. Et donc, il a dit, ça comprend aussi bien les prières quotidiennes, as-salawat al-khams, as-salat al-jumu'a, par exemple, as-salat al-janaza, et ça comprend aussi d'autres prières. Et on avait parlé aussi de as-sujud sahu, sujud tilawa ou as-sujud ash-shukr ou as-sujud ash-shukr. Et en ce qui concerne maintenant, on avait parlé de la prosternation de tilawa. Lorsqu'on récite le Coran, on arrive à un verset où il y a une prosternation, il faut se prosterner. Lorsqu'on veut remercier Allah azza wa jalla d'un événement, alors il est bon de se prosterner. On appelle ça ce jeu de shukr. Est-ce que ça nécessite les ablutions? On avait dit, si c'est une prière, si c'est considéré comme une salah, ça nécessite at-tahara. Ça nécessite at-tahara. Par contre, si c'est pas considéré comme une prière, certains savants considèrent que ça nécessite pas forcément at-tahara. Wa qala al-ulama, hadhihi mas'alatun mahal al-khilaf bayna ahli al-ilm. Fal-jumhur. La majorité des savants, et c'est l'avis des quatre écoles, عند المالكية والحنابلة والحنفية والشافعية, les quatre écoles juridiques, il est rapporté qu'ils considèrent qu'il faut at-tahara. Ils considèrent qu'il faut at-tahara. Il faut les ablutions. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر Alors, une grande partie de savants, et c'est l'avis des quatre écoles qu'on vient de citer, eux considèrent que il faut at-tahara pour faire sujoud tilawa ou sujoud ash-shukr. At-tahara, la pureté, être en état de pureté, de faire les ablutions, c'est une condition. C'est une condition qu'il faut. Mais on retrouve beaucoup de savants contemporains qui sont pas de cet avis. Et qui considère que c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Pour cela, celui qui n'a pas les outils, la connaissance pour pouvoir rechercher, et lui veut se baser sur l'avis de l'Jumhur, il veut se baser sur l'avis de la majorité des savants, de sorte que lui, il le fait avec Tahara, avec la pureté, ça c'est quelque chose de recensé, de dit. C'est l'avis de la majorité des savants. Celui qui a lu la question, qui a cherché et qui est convaincu que ce n'est pas une obligation, on ne peut pas désapprouver cela. Pourquoi ? Parce que c'est l'avis de nombreux savants. En l'occurrence, c'est l'avis de Al-Lajnat Da'ima, de la commission permanente des fatawas, de grands savants contemporains. C'est l'avis de Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin. C'est l'avis de Cheikh Ben Baz, rahmatullahi alayh. C'est l'avis du grand savant de l'islam, Cheikh Islam Taymiyyah, qui considère que ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas un short. Et l'imam Shawkani, الإمام الشوكاني في هذه المسألة يقول أو pardon قال القرطبي الإمام القرطبي يقول لا خلاف أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث ونجس ونية واستقبال القبلة ووقت إلى آخر الكلام وقد اختار بعض أهل العلم قول ابن عمر وقالوا بعدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ومن المعاصرين اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كما في فتاوى اللجنة والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين وعمدتهم أن أحاديث سجود التلاوة لا تدل على اشتراط الطهارة بل دلالتها على عدم الاشتراط أقرب وقال الإمام الشوكاني هذا القول قال الإمام الشوكاني ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا وقد كان يسجد معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حضر تلاوته ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين وأيضا قد كان يسجد معه المشركون كما تقدم وهم أنجاس لا يصح وضوءهم انتهى نيل من كتاب نيل الأوطار ولذلك قال الشيخ ابن باز حفظه الله ورحمه الله في فتاوى نور على الدرب الصواب أنه لا تشترط الطهارة لسجدة التلاوة والشكر لأن الإنسان قد يتلو على غير طهارة ويسجد ويحمد الله سبحانه وتعالى قد يأتي خبر يسره يسجد للشكر والنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه خبر يسره كان يسجد لله شكرا وكان يقرأ القرآن بين أصحابه فإذا مر بالسجدة سجد وسجدوا معه ولم يقول لهم لا يسجد أحد إلا إذا كان على طهارة والمعلوم إلى آخر كلام لأن الكلام يطول jusqu'à la fin puisque la fatwa elle est longue en tout cas beaucoup de savants contemporains ne voient pas que c'est une condition on continuera inshallah dans la prochaine assise de demain wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله